Bonjour tout le monde. Annyeonghaseyo. Comment tu t'appelles? Ilmi Boya. Yamwangi. What is your name? Guadatun Toshieyo. Plasmalo. Jagesugerate. Je m'appelle Ilagureyo. Ulan. Samdeban Ilmul. Bulabolte. Oltoke Halkayo. Je m'appelle Sujin et toi, comment tu t'appelles? Neilemun Sujinya, Neilemun Boni. Je m'appelle Thomas et toi, comment tu t'appelles? Neilemun Tomaya, Nonne Ilmi Boya. Moi, je m'appelle Zoé et toi, comment tu t'appelles? Neilemun Zoéya, Nonne Ilmi Boya.